Un beau jour, il nous a dit salut les mauviettes. Je déserte les cours et mes paires de baskets. Tant d'années sur un banc, ne voguère, disait. Je vais suivre le son du clairon malgré vos étiquettes. Nous, on lui a répondu qu'est-ce t'as dans la tête. T'es conscient de ton engagement avec la baïonnette. Que des humoristes face à ta mitraillette. Et on n'a pas envie de te voir revenir en passette. Que l'armée s'est ouverte à toute autre mission, telle vaincre la diète. Que oui, certes, on y apprend quelques manchettes, mais juste pour protéger les populations inquiètes. T'as pas tort, t'as tort, alors jetons sur la tablette pour déterrer du fond de tes oubliettes nos paras génocidants de façon secrète. Où les GIVI renversent contre une courbette. Je m'en vais suivre ma quête, rejoindre les rangs pour gravir les épaulettes. Sans oublier que pour moi c'est fini les dettes. Nous le laissons partir sans plus de dissertes. Ce silence qui s'abat fait beaucoup de mal en fait. On ne peut tolérer qu'il accepte la réglette de l'armée qui joue toujours de ses roquettes. Je veux du désordre, des baskets qui volent et de la sueur plein la tête.